je ferai ça, puis après, je te donne. Mais qu'il fallait qu'on continue à ouvrir des espaces de discussion. détabouiser un petit peu la discussion puis avoir plus d'espace collectif en mix et en non-mix pour être capable d'en parler. On a ouvert le débat qu'on n'a pas vraiment abordé, mais qu'on n'a pas clos, mais donc, qui fait quand même écho à l'autre atelier qu'on a eu avant sur réhabilitation, punition, accès au recours aux policiers, au système judiciaire. On a parlé de l'importance de réfléchir à des mécanismes alternatifs qui pourraient correspondre davantage à nos valeurs, à nos positionnements idéologiques et politiques pour être capable d'avoir des ressources qui sont, ben moi j'ai envie de gérer la situation, mais je ne sais pas comment le faire à l'extérieur du modèle social typique qui est le recours aux flics et le recours au système judiciaire, au système carcéral. On a évidemment mis un emphase sur l'importance du respect des victimes. On a beaucoup parlé de l'importance de la prise en charge collective. Je pense que dans ce sens-là, ça fait écho probablement à ce qui s'est discuté en haut. Ça va, s'il y a quelque chose qui se fait, c'est parce que ça va partir de nous. Puis la prise en charge collective, c'est ça aussi. T'sais. Nous, on a senti besoin, par exemple, d'organiser la journée d'aujourd'hui, mais parce qu'on sentait le besoin. Puis on a besoin de construire nos alternatives, puis de prendre en charge collectivement ce qu'on veut qu'il soit géré de manière collective aussi. On a beaucoup parlé, ou plusieurs femmes ont nommé l'importance de continuer à avoir des discussions actives sur le consentement, l'importance d'avoir peut-être des discussions actives dans nos milieux, peut-être de faire davantage d'informations et de prévention. Puis peut-être ça c'est quelque chose qui fait plus écho à ce qu'on a discuté ce matin, puis ce qui fait écho à ce que les hommes ont pu discuter, c'est qu'il existe du matériel, puis en même temps, des fois, il n'est pas nécessairement modulé dans les meilleurs termes pour répondre à nos préoccupations en tant que militant, en tant qu'anarchiste, en tant que militant anticapitaliste. Puis on aurait besoin peut-être de faire plus de prévention dans les termes qu'on comprend. Moi, personnellement, je ferais écho à, tu sais, par exemple, dans les initiations, il y a comme toujours Éduque Alcool qui a sa campagne, puis les CALAC ont déjà fait une campagne sur les initiations, il me semble, il y a quelques années. Mais en même temps, c'est souvent, surtout Éduque Alcool, c'est souvent des campagnes qui sont super paternalistes, super infantilisantes, puis ça ne fait pas vraiment écho. Là. Alors peut-être que il y aurait moyen de penser à davantage d'outils de prévention qui sont mieux modulés pour les réalités des milieux militants, des milieux anarchistes, des milieux anticapitalistes, ou des milieux radicaux en particulier aussi. On a aussi en effet parlé de l'importance de partager cette information-là, d'avoir une information qu'on est capable de bien intérioriser, de comprendre, qui parle en nous, puis peut-être l'importance aussi de connaître le fait qu'il y a des ressources pour les hommes violents, par exemple, puis être capable, c'est ça, de situer les ressources pour après ça comme orienter. Parce que, un peu comme tu disais, Julien, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressources dans les centres pour hommes qui ont une tendance un peu masculiniste. Pas nécessairement rassurant, loin de là. Mais en même temps, il y a des ressources qui existent. Peut-être qu'on a besoin d'être capable de les connaître un peu davantage pour être capable d'orienter les gens qui en ont besoin. On a parlé de l'importance aussi de se réapproprier un certain pouvoir, de se réapproprier l'action, de se réapproprier. On a parlé de violence, mais je parlerai aussi de confrontation peut-être, sans se faire accuser. Là, de tomber dans un pattern, dans un champ de violence, mais d'avoir le droit d'exprimer de la rage, puis d'avoir le droit d'exprimer de la colère, puis des fois aussi d'avoir le droit de l'exprimer face à ceux qui la méritent, puis face à ceux auxquels elle est orientée. C'est une chose de dire j'ai le droit d'exprimer ma colère, mais j'en profite quand je suis en non-mix pour comme déverser mon lot, puis dire ah, c'est que je suis en arnaque, mais en même temps, ben, il y a une colère légitime qui pourrait être exprimée. Face à ceux qui sont à la source de cette colère-là. On a parlé des mécanismes climatiques, j'en ai parlé tantôt, de l'importance de continuer d'en parler. Je pense que ça va avoir été la meilleure leçon, en tout cas pour nous, c'est que on était inconfortable quand on a commencé à en parler. On était super la première étape, parce qu'on a dit, on impose à notre congrès qu'on en parle, puis on arrive avec un atelier déjà monté en disant, il y a un caucus non mixte de 2 heures, puis c'est ce qui va arriver. En même temps, là, on essaie de déautoritariser la démarche pour être capable de se le réapproprier collectivement aussi. Puis, mais ce qui nous, entre moi, ce qui m'a impressionné, on parle pour moi, mais ce qui m'a impressionné, c'est que il y a des gens qui sont venus aujourd'hui. Puis, ça veut dire que les gens ont envie d'en parler, puis ça répond à des besoins d'en parler, puis ils sont pas juste là quand ils sont obligés d'être là. Je veux juste faire une parenthèse, là. Quand on a été support en tout le temps pour un congrès, c'était aussi pour obliger les gens à entendre parler, parce que beaucoup se veulent se fermer les yeux et les oreilles. Fait que c'est pour ça qu'on a fait comme « bang, on arrive tout de suite avec ça, puis on ne vous laisse pas le choix. » Ah, on avait raison de tout le temps, parce que je dis. Mais il y avait une démarche qui était, un groupe de femmes considère qu'il y a un problème, puis on arrive avec une réalité qui est « bang, il faut qu'on en parle. » vous allez tristement vous garder croche si vous prenez l'opportunité d'aller payer club et partir maintenant, puis c'est maintenant que ça se fait. Puis on a le goût peut-être de redéfinir un peu ces relations-là pour avoir d'autres journées thématiques, d'autres cercles de discussion, d'autres espaces de socialisation. On est capable de développer des relations pour apprendre à se connaître, parce que c'est aussi quand on a peut-être des fois des meilleures relations de confiance qu'on est capable de parler de certains enjeux qui sont difficiles à aborder. Puis là, ça revient à l'importance de nommer, de verbaliser, de discuter, de débattre des enjeux. Puis ça, ce que je terminerais en disant, le dernier point qui m'a fait écho, parce que ça a été quand même répété, puis en tout cas, ça fait écho, je pense, à la démarche, c'est qu'on a le droit de prendre le temps de digérer aussi. T'sais. Des fois, c'est beaucoup d'informations. Puis je fais écho à ce que tu dis aujourd'hui, mais à d'autres étapes de gestion, un petit peu. D'autres manières qu'on a gérées, c'est aussi des fois on est beaucoup dans l'immédiat. T'sais. On entend parler de quelque chose, puis on fait oh my god, tu sais, il faut que je réagisse maintenant. Puis des fois c'est correct d'être dans l'immédiat aussi, parce qu'il y a une légitimité dans la colère de l'immédiat. Mais des fois c'est correct aussi de dire attends là, c'était beaucoup d'informations. Moi j'ai besoin de prendre un peu de recul. De réfléchir, de digérer, d'aller chercher l'information, d'aller de me ressourcer, à la limite de voir une lumière, mais j'ai besoin d'être capable de digérer pour après ça poser des gestes qui ne sont pas juste dans l'immédiat, mais qui ont un sens politique, qui répondent à ce que je veux faire. T'sais. Mais ça, en tout cas, moi, je tiens à spécifier que c'est vraiment pas pour délégitimiser la réaction immédiate qui peut se faire, puis qui est légitime et souvent super pertinente. Mais je pense que les deux sont très valables. Puis d'accepter aussi des fois qu'on peut ressentir qu'il y a un décalage, mais que ce décalage-là, il peut venir d'un besoin de prendre le temps de gérer, de réfléchir à la patente, puis de prendre le temps de se situer, puis de définir ses prochaines actions. C'était comme ça pour ma part en 5 minutes. Je trouve ça pas mal. C'est correct. Je vais prendre une dernière intervention, mais on parle à 1 h30, je voudrais comme ranger, puis j'espère que vous allez nous aider à ranger. Oui, vas-y. C'est de quel congrès vous parlez? Congrès de la séquence que j'ai. Il y a un congrès secret des féministes, là. C'est la 7e internationale, on a kické en Bakounine, on est juste fini. On va monter le document là, avec le wrap-up de la journée, puis on va vous envoyer ça. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont vouloir organiser d'autres trucs aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais assez de temps de parler. Puis le temps de faire écho au fait que c'est sûr qu'on est un groupe de femmes de Montréal qui organise un atelier à Montréal. En même temps, je pense qu'il y aurait moyen de faire des alliances avec nos camarades dans les régions pour être capable d'accompagner un peu, de parler de processus, de comment on est arrivé là, puis d'autres ateliers qui pourraient se donner à l'extérieur de Montréal aussi. Oui, mais ça, c'est un genre de Merci à vous. Merci à vous.